Bonjour à tous, voici ce qu'il faut retenir de l'actualité de ce jeudi 6 février 2019. Des mouvements de grève et des manifestations dans plusieurs villes françaises sont prévus ce jeudi pour la 9e journée interprofessionnelle contre la réforme des retraites. Météo, le temps aujourd'hui peu nuageux sur l'ensemble des régions des royaumes. Sport football, pour clore ce flash info, le Maroc rejoint l'Égypte en finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2020 après sa large victoire mercredi soir face à l'Angola 4-0. C'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi.